demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider nos frères et nos sœurs en Palestine et de leur venir en secours et en aide. Et nous ne pouvons pour eux que dua. Et dua, c'est quelque chose d'immense. Malheureusement, beaucoup d'entre nous négligent dua pour leurs frères et sœurs. Il ne faut pas écouter ceux qui commencent à citer certains sujets qui sont vrais, mais qui ne sont pas cités à leur moment. Quand la communauté subit des attaques et des agressions et des grandes injustices, tu ne commences pas à parler de yani, certains dérives quand certaines personnes. Ce n'est pas le bon moment. Faites dua pour tes frères et faites dua pour qu'Allah les aide. Et on sait bien évidemment que cette umma ne triomphera sur ses ennemis qu'avec un retour vers sa religion. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Les points sur lesquels il peut y avoir un désaccord, c'est vers quelle religion on doit revenir. Est-ce qu'on doit revenir vers la religion des soufis, vers la religion de l'Ikhwan, vers la religion de Tablir, vers la religion de Naqshbandiya? Où on doit revenir vers l'islam authentique sur lequel était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ensuite, le deuxième point, comment revenir à cet islam? Si on est d'accord sur l'islam sur lequel on doit revenir, c'est-à-dire l'islam authentique, pur et purifié de toute forme de shirk et d'associationnisme et d'innovation, maintenant, comment on doit revenir à cette religion? Comment on peut revenir à cet islam? Yani, les moyens de ce retour et le moyen de ce retour, ça se fait avec la science, avec l'ilm. Ça peut pas se faire avec l'ignorance. Comme le Nabi alayhi salam a fait dans le début de sa da'wa. Il a propagé la science, il a formé des hommes et après ils ont conquis toute la terre. Donc, le retour vers la science qui va nous permettre de rectifier notre tawhid, notre dogme, notre aqidah, nos adorations, notre salat, et ainsi de suite. Donc, tu veux aider la umma, aide-la à revenir vers l'ilm nafi' ou l'amal salih. Et en attendant, fais dua pour tes frères et sœurs qu'Allah les aide. Et il faut que le salafi soit intelligent. Faut pas qu'il éloigne les gens de la salafia à cause de son manque de aql. Wallahi, on ne comprend pas comment certains ils peuvent réfléchir, aborder des sujets comme si on est heureux et satisfait de ce qui arrive à nos frères. On est triste pour eux. On sait qu'ils n'ont pas emprunté la voie de la sauver. Beaucoup parmi eux, malgré qu'il y a une communauté qui s'attache à la voix des pieux prédécesseurs là-bas, sur place. Mais c'est une toute petite minorité. Et la plupart des gens sont loin de la sunna, sont loin de l'aqidah sahiha. Et ça, c'est la cause de ce qui nous arrive. Mais le fait de savoir cela, ça te permet pas de venir pendant les souffrances des gens, pendant les injustices et l'oppression de ces grands ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les maudisse, qu'Allah envoie sur eux les maladies de toutes les catégories, de toutes les couleurs. Qu'Allah les envoie sur eux. Ya Rabbi Amin. Donc il faut savoir ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, et d'utiliser la sagesse dans toute ton affaire, de parler avec la parole qui convient, au moment qui convient, avec la personne qui convient. C'est pas parce que c'est une vérité que tu peux la sortir à n'importe quel moment. Et c'est pas parce que c'est une vérité que tu peux la dire à tout le monde. Le Nabi alayhi salam a enseigné une grande vérité à Mu'ad radiallahu anhu. Il lui a dit, ne la propage pas. Qu'Allah nous donne al-hikmah. Qu'Allah nous donne la science qui est le moyen d'arriver au hikmah. C'est pour ça la solution c'est l'ilm. Et c'est pour ça ceux qui font le plus peur à tous ces ennemis d'Allah sur terre, c'est les salafiyins qui apprennent leur religion. Ne minimise pas le fait que tu sois dans l'apprentissage des trois fondements des quatre règles, du livre de l'unicité, et ainsi de suite. Ça, c'est le moyen de revenir avec la Umma vers sa religion, dans sa beauté et dans son authenticité, et c'est le seul moyen d'arriver à dominer ses ennemis. C'est le seul moyen pour le musulman, ils n'ont pas un autre.